Monte le son. Monte le son, c'est Cassius FM. And the return of Cassius FM. Cassius. Il y a le sense qui est là. Il y a sense qui vient d'arriver, les mecs. Je vais le mettre un petit morceau. Bien chelou. Son petit mini. Son petit tiroir magique. Sense art. Oh, le sense. Direction. Don't blame it close, I have this mic up in your midsection. My shit is rough, simply meaning that my joint is tight. Amping up the mic, making sure production's tight. Sometimes I might catch a severe case of writer's block, but by the end of the day, you be on my job. Remains Malik, my hobby, putting MC to the test. And if you run, I'll put my foot up in your freaking chest. Freestyle fanatic, and never will it ever stop. Your crew is hit, you might just wanna call the cops. Ayo, I gotta put some action on paper. Make sure my verse jump off the spread out like the raper. The only tip I got for a waiter is watch the doorknob. Hit me where the dirty dog should've bit me. That was my train of thought, but for so long I fought. Now I'm at a level supreme to the devil. So turn up the bass and lay low on the treble. We be the Willie kids and you dead with the shovel. Revitalize, revital tribe, nigga. The ladies sweat the style like the squirrel sweat the nuts. You know what fellas good for the ruler. Don't smoke no rulers, leave the men, call me Slick Tip the ruler. You eat weed checks, but still light in the ass and can't flex. Boy, nigga, front, I'ma make more pay. Cause tonight, we getting off like OJ. And yo, I got a dog that bites, fuck a barking. Yo, I got a crew with the beats and the smarts in. Put my shit up on Linden and the 192. Forever writing, ever writing, ain't shit up to do. Hoping to battle, but most MCs ain't ready yet. But if they other ones heard, then it's gonna be set. You have MCs dropping bombs, that's incredible. Some other brothers just out and just despicable. I just do how I love to do. Try to deny me of this fact and I'll be seeing you. Most of these suckers wanna be down for the tag along. The freaking fame, someone tell them that this shit ain't games. You got to do this from your heart. Bon, alors, donc continuez à nous envoyer vos maquettes, on les passera. Hein, on passera vos maquettes tous les soirs à minuit. Donc, c'est là, aussi ça, Cassius FM. La générosité. Radio pirate, mon pote. Donc le jeune artiste Sense cherche une maison de disques. Vas-y, fais péter le son un peu là maintenant. C'est du MP8 le son, excuse. Perhaps one of the most interesting words in the English language today is the word fuck. Out of all of the English words that begin with the letter F, fuck is the only word that is referred to as the F word. It's the one magical word. Just by its sound can describe pain, pleasure, hate, and love. Live, fuck, as most... Le premier blanc, Sans. Il a fait le premier blanc. Bon, le vrai silence. Envoie du son encore. Envoie du son. L'angoisse de l'artiste de silence. Tu voulais pas de vodka? Surely fucks. Surely fucks, baby. Le morceau qui ne paie jamais. As part of an adverb, surely talks too fucking much. as an adverb enhancing an adjective. Shirley is fucking beautiful. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Le son va arriver. Oh, en fait, eh, on peut expliquer. On peut expliquer un petit peu. On a laissé les commandes à Sense. On parle pas tous l'anglais. On s'excuse. Personnellement, je ne parle pas l'anglais. Je demande de la musique. Bon, Sense a voulu faire passer un message. Romain, qu'est-ce que t'as compris, toi? Sense, je sais que tu nous entends pas, mais fais quelque chose. Yeah, really, that's my friend. Ah! I don't understand this fucking question. Inquiry. Who the fuck was that? Dissatisfaction. I don't like what the fuck is going on here. Incompetence. He's a fuck off. Dismissal. Why don't you go outside and play hide and go fuck yourself? I'm sure you can think of many more. Yeah. Cassius FM. FM. feel like Michael and Drilla. Drunk as a skunk, had 2 months to kill her. Bartender filled me up, another cup. Everybody have a good time, party live it up. The dance floor's packed, Staten Island's on the map. We burn rush the club cause we don't know how to act. Look at mommy in the back, I see her eyes staring. Scope me up and down just to see what I'm wearing. My appearance, heavy on the wrist with a mean truck. Razor blade, fresh fade, looking clean cut. Boots untied, gas to the ride. Dip down to Gucci with my hat to the side. We can ride all night if the vibe's alright. Pull up in big whips, different cars all types. I'm out of sight, meet your hoes, get close. CEO, Starks, Enterprise, bingo. Nigga, if you say so, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Nigga, if you say so, yeah, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Nigga, if you say so, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Nigga, if you say so, yeah, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Yo, we rollin', holin', my back looks swollen. Heat bust, niggas see us, start folding, let the hoes in. We gon' freak off lovely. Ruby red, gettin' head in the Benz buggy, it's about to get ugly. Y'all can't touch me at the 10 mil, so the whole world gon' love me. Mean coats, furs, his or her extra large. Platinum cutting cars when I splurge, I got the urge. Roll up, who got the herb? Fat ravioli bags on the app get served. I observe the kid, I deserve to live. Broke his ribs, burst his wig. When the things come out, you be the first to give. Thirst for this, black down and search the crib. Like I told y'all before, it's a Theodore unit. From Europe to New York, this is how we do it. Nigga, if you say so, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Nigga, if you say so, yeah, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Nigga, if you say so, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Nigga, if you say so, yeah, baby, let the braids go. Turn the bass up real slow. Come on, just let your body go. Come on. Yeah. All right. Just let your body go. Come on, just let your body. Cassius FM. Cassius FM. Bon, alors, il faut savoir quand même que on a fait l'émission hier, on a reçu une tonne d'appels, une tonne de courriers, d'emails, c'était et tout affolant, ça. C'était affolant, le courrier, et c'était voilà, affolant. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, la grande question, c'est qu'est-ce que c'était ce morceau mortel que vous avez passé hier entre 10h et 1h du matin? Et ben voilà, ben c'était Cassius. C'était celui-là, quand même. C'était celui-là, on l'a remis. Hey, Romain, big up à Romain. Bon, là on a écouté Trilla featuring Ghostface. On a écouté quoi avant? Attends, laisse-moi finir. Qui est un extrait de l'album Au rêve de Cassius, oh là là. Qui est sorti hier, depuis hier dans les bacs. C'est pas ton relou. On a acheté voilà, carrément. Bon, et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu un petit pot-pourri mix. Un pot-pourri mix sense dans la. Non pas que c'était pourri, hein, mais. C'était le père Sans. Le père DJ Sans. Donc, il est dispo pour vos soirées. Appelez à la radio, on fera suivre. 22. Voilà. Ensuite, Philippe, t'as repris avec quoi? Sérieusement, c'est. Non, c'est moi qui ai repris. Ah, c'est toi, Pedro? Ouais, en fait, attends, quand même, tes trucs, quand même. Sense a mis un sublime bootleg de Eminem. Ah, oui, c'est vrai. Donc, je sais pas qui a fait ce bootleg. Moi, je sais. Vas-y, c'est pour ça que c'est Evan Smag et Arnaud Robotini. Mais moi, j'essaie de garder le secret, t'es con, quoi. Mais non, c'est une blague, tout le monde l'a compris. Eh, les mecs, encore un big up la soir alors. C'est spécial, nos amis, ces temps-ci. Bon, alors donc, un petit bootleg d'Eminem. Et ensuite, moi, j'ai enchaîné par contre avec un nouveau morceau de Cashmere qui revient. Sometimes I Do. C'est pas super, il est pas nouveau, super Pedro, parti, carrément. Oh, attends, c'est pas, d'accord. C'est pas super nouveau, il est pas trop parti non plus, quoi. Oh merde! Vas-y, Pedro, allez, c'est bon, ça. Oh, je me casse. Alors, on avait dit que ce soir, t'essaierais d'assurer, man. Attends. Et après Cashmere, hein, c'était quoi? Je sais plus. C'était à toi, c'est Jimmy, là. C'est quoi ton truc? C'était les cactus. Ah. Ouh. Et là, on continue donc avec. On reprend la série. Hein. Voilà, la série des morceaux préférés. Hubert. Hubert, fais péter un morceau là. On t'entend plus. Réveille-toi, mon photo. Romain, c'est qui l'invité secret? Alors, notre invité secret, c'est le disque favori. Un journaliste. Ah oui, là, ah bon, on va commencer ouais, d'abord. Disque c'était quoi ton Hubert, disque favori? Ah oui, bien sûr, ouais, c'est juste avant la pub. C'était les Chromatins. Avec une chanson qui s'appelle Ghost. Oh là là, c'est bon, c'est vraiment bien aussi. C'est bien ça. Donc, notre invité secret, alors qu'est-ce qu'on veut lui dire, Yvan? C'est un journaliste, un illustre journaliste. Il organise des soirées. Il ne présenterait même plus. Ancien breakdancer. Ah, en 74, ouais, très bon, en 74. Ouais. C'est Jérôme Bugey-Coller, dit JBK. En personne. Que tous les auditeurs d'FG connaissent très très bien. Bah, carrément. Ouais, une légende. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens faire ici, ça? Je viens vous voir. Ouais, je venais vous voir. Ça, c'est cool. Je venais enregistrer les Cassius de la, les coulisses de la Cassius FM. Je suis pas déçu. Je pensais que ça allait être tout petit. Ouais, pour moi, une radio pirate, c'était tout petit dans un 10 mètres carrés. Puis là, je vois un vrai studio et tout. On pourrait presque faire une fête. Ouais, mais c'est prévu là, le 14 août. Hubert, ouais, on est combien là déjà? On est bien une vingtaine. Là, une vingtaine. Ouais. Hier, on était un peu plus. C'est un autre thème aujourd'hui. On est plus cool. C'est une autre émission. Et t'es venu nous enregistrer pourquoi alors? Putain, mais on va faire de la. C'est pire que les gros médias. On fait de l'autopromo. En fait, on fait des trucs très personnels le dimanche. On enregistre ce qu'on fait dans la semaine. Eh ben merci Jérôme. Et bien maintenant, on enchaîne direct avec un bon petit disque qui défourraille. Et moi, le mardi soir, qu'est-ce que je fais? Je viens vous rejoindre. Ça, c'est cool, mon poteau. Boire des verres avec vous. Romain. Ouais. Tu voulais qu'on pose des questions indiscrètes à Jérôme. Ah ouais. Romain. Jérôme, tu as fait une soirée à cet été, donc une soirée de respect que tout le monde connaît. Combien vous êtes mis dans la poche? Putain, c'est une question qu'on se pose tous. Un paquet de fric. T'as vu le film Studio 54? À un moment, il y a de l'argent dans les murs qui est caché. Nous, l'argent, là, on l'a mis dans un sous-marin. Je vois que des films russes. Je ne regarde que des films russes. Hey, Pedro, sérieusement. Pedro, je sais que tu m'entends. Tu peux pas nous répondre. À part si tu cries, t'es fort. Très fort. Crie, Pedro. Ouais. Est-ce que tu peux envoyer un peu de son? S'il te plaît, là. On a marre. WBD. No, I'm not. We're about to get it sexy right now. Bad boy, a sexy thug thing. Check it out. You know what? Pay your fare, fix your hair, throw that beat. Got it for my boo now, this is dollar. Can't touch me. You no car rappers on a quest. You get your headphones, boy, you're gonna need a bag. You know I feel I'm not gonna trust in the school. You see my wife stay home, put my hook in the zoo. I keep saying, pick this out of act. And all of my niggas, they got a wrong bag. Off top, hold up, switch her and draw. Your girl was looking at me. One X, she's y'all, M-A-Z-E. Yo, man, that's too hard. I'm a brother, my energy take. Crush the industry, can't get all the more. I'm a great new tape, boy. Fun, no smoke, party. Oh, sir, cause bitch was trying to go. She's a haggler, no, I'm not tagging no more. And bowling when I'm running up behind her. Go ahead, do your job, pop the lock, let the cock out. For real though, girl, don't lie. I'm gonna go back to my house. The man right here walking under that dress right there. You spicy cage, and we gon' pass a good time, that's yeah. You better suck your head on them that crawfish. You gotta bend all the way over to dance off this. You handle your business, but I know you do it way better. You're dead wrong. So if you toting body niggas make noise when you pass by, get your fine ass on the floor, girl. This your fucking song. Do your thing, don't be scared. Cause you gon' get served. Get mine, then you gon' get yours. About to make your ass love it. Raising up the sugar G-string, huffing and huffing. Attention all your players and pimps. Right now in the place to be. I thought I told y'all niggas before. Y'all niggas can't fuck with me. Now this ain't fun, no smoke, no teas. No circles, devil bells. If you feel you got the biggest one, then mama come shake your ass. Shake your ass, but watch yourself. Shake your ass, show me what you're working with. Shake your ass, watch yourself. Shake your ass, show me what you're working with. You're crying, heifer, I don't need all that. I got a job for you to braid it up, pimp his back. Break them handcuffs, fuck you, nigga, move something. You ask you what you're doing, say, ooh, nah. And we've been doing the past two something. I'm beating that pussy up, not smooth, fucking. You can bet your bottom dollar that pussy fire. You gon' holler by the top. Act like you won't be backing that stuff up. Jesus FM. Bitch ride a dick like she making the bed. And I see that we gon' have to go to a quiet corner for gifts us too. Don't worry about who looking, just keep on doing what you want. A nigga like me gon' get to work before I know the girl. Bitch, what's happening? Let him see, show the world. Attention all your players and pimps. Right now in the place to be. Shake your ass. I thought I told y'all niggas before. Y'all niggas can't fuck with me. Now this ain't fun, no smoke, no cheese. No slur, cause never been. Cassius FM. Cassius FM. Cassius FM. Cassius FM. Cassius FM. Cassius FM. Like Monte le son. Monte le son, c'est Cassius FM. Et à chaque fois, c'est le sprint final. Hein. Ouais, vraiment. Enfin, on aurait pu avoir une heure de plus, hein. C'est pas possible, carrément. On est obligé de finir sur ce morceau, c'est notre hymne. Bon, c'est quoi, Smash TV? Ouais, toujours. B-Pitch Control. B-Pitch Control. Et vraiment, le label de l'année, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de musique. Petite ambiance, là. Bah alors, les mecs, réveillez-vous, là. Alors, là, l'instant replay. T'as vu, tout le monde dort par rapport à hier. Alex n'est plus bourré. C'est l'antithèse d'hier. Une autre émission. Une autre heure. Bah ouais, non, mais c'était c'est très bien. DJ Deep avec nous ce soir. Mais ouais. Wouh, on est trop contents de l'avoir eu, Cyril. Eh, les mecs, réveillez-vous, là, pour Deep, quand même. Ouais, Cyril. Bon, okay. Ça, tout à l'heure, j'étais incompris, mais c'était vraiment, c'était un rôle loin. Non, mais c'est pas ça, c'est un hommage que je voulais lui faire. Je voulais arriver à la fin de ma phrase, mais vous m'avez pas laissé parler. Ok, merci Pedro. Donc maintenant, c'est la dernière minute. Je voulais juste lui dire merci d'être venu. Vas-y, laisse Hubert, il coupe. Vas-y, continue ta phrase, Hubert. Mais non, c'est pour faire chier, c'est tout. Tu vois, voilà. Voilà, merci. Voilà le mec, tu vois. On a tout vu, Hubert, en deux secondes. Ouais, tout compris. Bon, Romain, apparemment, il veut qu'on aille se coucher. Il met de la musique, là, bien douce. Bon, il met quoi? Il met Au Rêve. Et Cyril, vas-y, tu veux nous dire comment c'était, cool d'être venu ou pas? Très cool, très cool. J'adore le dernier morceau que t'as mis, vraiment. Tu sais que je peux pas te mentir, je suis vraiment fou du dernier morceau. Ouais, que t'as mis. En plus, j'ai bien coupé. On aurait pu partir sur un vrai truc old school. Ah, mais c'est le générique. Bon, et le générique, un petit extrait de l'album Au Rêve, je ne le répéterai jamais assez. Peut-être même trop. Romain, ça va ou pas? Ouais, ça va, vous m'entendez là? Ouais. Ah yes, ça marche. Oh, on a un nouveau micro. Ouais, moi je leur fais. Et Pedro, toi qui es un mec quand même super branché, au courant de tout. Moi j'ai un peu d'argent en ce moment. Peter Sellers, les rires. Qu'est-ce que tu pourrais acheter comme album? Tu vois, un truc mais vraiment frais, quoi, qui soit sorti genre aujourd'hui ou hier. Mais quoi, un mélange de modernité. À la fois Booty et Deep House, tu vois, un truc vraiment Booty, nouveau, quoi. Deep House, tu l'as dit. C'est comme les gens comprennent aujourd'hui la musique. Bon, bah, je crois qu'on va terminer là-dessus. Hein, foncez acheter Cassius Au Rêve, l'album sorti depuis hier. Booty Maxima Booty. Pléthore. Cassius. Bon, arrêtons de déconner. Attendez, sérieux. Si on était sérieux, on dirait que demain, on en fait encore une. Bah, ah ouais. Bah ouais, demain. Pedro, putain, tu fais pas ce que t'avais dit que tu ferais, quoi. De quoi? T'avais dit que tu dirais. Demain, 22h, 1h du matin. Non, attendez, le mec sérieux. Non, bah justement, ce mec sérieux. J'aimerais quand même qu'on remercie Jean-Jérôme qui est avec nous. Ah ouais, Jean-Jérôme. Et cette émission. Jean-Jérôme qui représente FG fièrement. Et sa moitié, merci. Jérôme. Mais ouais, désolé. Charmé, j'ai trop Romain. Bon, ok, quand même. Deep. DJ Deep. Merci beaucoup. Et Romain, merci Romain. Tu es un invité. Attends. Deep, c'est quand même un invité éternel. Ah bah ça va. Cassius FM. Merci. Bon, Jérôme Vigé. J'essaie de le caler. J'ai cherché toute la nuit carrément avec ton petit carnet. Ah ouais. Et Romain. Romain, t'es là demain. T'as pas une autre question, Pompélon? Bon, allez, vas-y, on coupe. Bon, rendez-vous demain. Ouais, demain. Voilà, Cassius FM, ça continue. Troisième épisode demain. Les Daft Onze. Demain, invité, les Daft, Thomas et Guiman. Thomas et Maman. Et si mes souvenirs sont bons. Et un autre gars. Si mes souvenirs sont bons, la révélation aussi de l'année 2002, DJ Feeds. Oh, victoire de la musique. Eh ouais. DJ Feeds. Mehdi qui n'est pas venu ce soir. 200 nominations. Mehdi quand même. J'espère que tu nous écoutes. Ouais, Mehdi, c'est sympa d'être attendu. Il refait sa salle de bain, Mehdi. Bon, Jérôme, merci d'être passé, Jérôme. Mehdi. Avec son micro, là. Ouais. Jérôme, on te retrouve le dimanche. Ouais, mais ça va, moi. Le dimanche. Midi 14h. Midi 14h. On parle encore des Cassius. C'est Rélo. Venez, non. On termine sur de la musique. Ton dernier mot, Cyril. Il est bien sûr. Ok, à demain. Radio Pirate, Cassius FM.